bonjour à toutes et tous qui nous écoutez sur Radioactive. Bienvenue dans le MAG. Et aujourd'hui, dans le MAG, on vous emmène faire un tour à la ressource Ribambelle, la recyclerie associative située à Nazelles-Négron. Lieu engagé pour le réemploi, la réduction des déchets et la solidarité locale, la ressource Ribambelle est aussi un espace vivant où ça bouge tout le temps. Pendant notre passage, plusieurs donateurs sont venus déposer des objets, jouets, vaisselle, déco, textiles. Preuve que ce lieu fonctionne grâce à la générosité et à la confiance des habitants. L'occasion parfaite pour prendre des nouvelles de l'équipe, faire le point sur les projets en cours et à venir, et ressentir l'énergie positive qui anime ce lieu hors du commun. C'est parti! Nous sommes avec Chloé Godefroy, salariée coordinatrice du projet associatif de la ressource Ribambelle. Bonjour Chloé. Bonjour Marlène. Alors quoi de neuf ici à Nazelles, réouverture des locaux? Oui, on a fait une petite pause de quelques jours, donc effectivement on a rouvert ce matin. Quoi de neuf? Bah plein de choses, on a eu beaucoup de dépôts depuis ce matin, donc voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer, trier et puis mettre tout ça en valeur. Et voilà, toujours des trésors à la ressourcerie. Petit rappel de ce que vous prenez et ne prenez pas. Alors actuellement, donc on continue à prendre des choses en bon état ou en tout cas qui peuvent resservir. Ce qu'on ne prend vraiment pas, c'est les choses électriques. Voilà, tout ce qui est électrique, électronique, informatique, tout ce qui finit en ic à peu près. Après, voilà, on a des petites subtilités, notamment sur les vêtements, puisque les vêtements en ce moment qu'on va collecter sont les vêtements printemps-été. Voilà, on ne peut pas stocker pendant plusieurs mois les vêtements d'hiver. Et puis après, il y a des choses qui vont être sur rendez-vous, comme les gros meubles. Voilà, faut vraiment nous demander avant, si on a la place de les accueillir. Et puis après, toutes nos consignes de dépôt sont à retrouver sur nos réseaux, donc page Facebook, site internet, ou éventuellement nous passant un coup de fil ou en venant nous voir directement à nos locaux pour répondre à vos questions. Alors en plus, il y a quelque chose qui est très pratique, c'est la fermeture à 13h, ce qui permet aux gens de venir chiner entre midi et 13h sur la pause méridienne. Tout à fait. C'est vrai que quand on a installé la ressourcerie dans ce quartier, un petit peu entouré d'entreprises, on s'est dit ça peut dépanner des gens. Et on a des gens qui nous le disent, qui viennent parce qu'ils sont en pause le midi. On a aussi des restaurants à 200 mètres de nos locaux où les gens viennent manger. Donc voilà, s'ils sortent pas trop tard du resto ou avant d'aller au resto, ils viennent nous voir et ça fait plaisir, quoi. Petit rappel justement des jours et horaires d'ouverture, Chloé. Alors, au niveau du dépôt des objets, c'est uniquement le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Les espaces ventes, quant à eux, sont ouverts, donc eux aussi, le mercredi et le samedi, mais donc jusqu'à 13h le matin et jusqu'à 18h le soir. Et nous sommes aussi ouverts le vendredi après-midi de 14h à 18h30. Les gens ont tendance à l'oublier parce que comme c'est pas un créneau de dépôt, voilà, c'est moins évident, mais on est aussi ouvert le vendredi après-midi. Je rajoute une petite info qui est qu'on va passer en horaire d'été certainement courant juin, donc il ne faudra pas hésiter à bien vérifier avant de venir que nos horaires n'ont pas changé. On va rappeler également le lieu, l'adresse exacte. Ouais, on est situé au 42 boulevard de l'Industrie, donc juste à côté les grands locaux verts et blancs de Valifruit, à 200 mètres du restaurant Les Platanes. Alors vous n'êtes pas toute seule là aujourd'hui, Chloé, vous êtes entourée de bénévoles. Oui, tout à fait, on a une petite équipe qui s'investit dans nos missions bénévoles. Il ne faut pas hésiter à nous rejoindre d'ailleurs. Voilà, on propose donc au niveau du bénévolat, c'est surtout de l'accueil, que ce soit des donateurs ou de la clientèle, mais aussi voilà, tout ce qui est le tri, la pesée des dons, ce qu'on pèse, tout ce qu'on nous amène, pour avoir une idée un petit peu des tonnages qui sont traités par la ressourcerie. Voilà, après c'est du nettoyage, et puis quand on a un peu plus à l'aise, mettre des prix, faire des jolis aménagements, etc. Très bien, appel aux bonnes âmes qui nous écoutent. Tout à fait, voilà. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, à en discuter si vous avez un petit peu de temps libre et que vous avez envie de vous investir dans la transition écologique du territoire, la réduction des déchets et voilà, donner une seconde vie aux objets. Le commerce circulaire. Exactement, ouais, l'économie circulaire, on essaie vraiment voilà, de faire en sorte que les objets revivent en fait, parce que les gens qui viennent ici nous apporter des choses nous disent ça me dépanne parce que voilà, j'en ai plus besoin, mais ce serait dommage de jeter et on est bien d'accord. Merci beaucoup Chloé, on va peut-être se pencher vers Quentin qui est en train de mettre en rayon des articles, on va lui poser une ou deux petites questions puisque c'est un bénévole, donc bénévole actif Chloé. Oui, alors il est surtout très actif depuis le tout début du projet, puisqu'il est administrateur de l'association depuis sa création en 2022. Alors c'est plus qu'un bénévole. Bonjour Quentin. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que vous avez rejoint l'équipe de la ressource Ribambelle ? J'ai rejoint le projet d'abord parce que c'est des personnes que je connaissais. Elles m'ont présenté le projet et donc j'ai tout de suite adhéré à la fois aux personnes et puis au projet. Voilà, la réduction des déchets, c'est quelque chose que j'ai à cœur voilà, dans ma vie au quotidien. Vous impliquez combien de temps en moyenne ? Alors, moi, je suis surtout là sur des réunions du conseil d'administration. Ouais. Donc, le conseil d'administration se réunit une fois par mois et puis statue sur des questions d'ordre stratégique avec à la fois le retour des bénévoles et les retours des salariés, que ce soit sur les partenariats, que ce soit sur les événements, sur qu'est-ce qu'on accepte comme objet, les consignes de tri, etc. Voilà, toujours plein de questions liées au fonctionnement du quotidien à la ressourcerie. Ça représente combien de personnes, cette équipe, en moyenne ? Le conseil d'administration, on est trois actuellement, trois personnes, dont deux nouvelles personnes arrivantes. Et voilà, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de la vie de cette association, le conseil d'administration puisse aussi évoluer, grandir, oui, pour un petit peu pouvoir se répartir les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'association. Donc ça, c'est le conseil d'administration. Et en termes de bénévoles, vous mesurez un petit peu le nombre aussi ? Oui, entre à peu près 20 et 30 bénévoles par mois, que ce soit des personnes qui viennent toutes les semaines ou des personnes qui viennent plus ponctuellement. Voilà, et donc on est toujours en recherche active de bénévoles et de personnes qui aimeraient s'investir, sans temps minimum de travail, mais que ce soit juste pour une heure ou une journée, c'est toute aide et la bienvenue, quoi. Eh ben merci beaucoup Quentin pour ce témoignage et puis on rappelle à nos auditeurs que toutes les infos on peut les retrouver notamment sur la page Facebook de la ressource Ribambelle où les actualités sont toujours mises à jour. Merci et bonne journée. Merci. Une belle énergie et beaucoup d'enthousiasme à la ressource Ribambelle. Merci à toute l'équipe pour son accueil et son dynamisme. On vous invite donc tous à aller faire un tour à Nazel, 42 boulevard de l'Industrie, que ce soit pour chiner ou pour s'y engager. C'est la fin de ce mag, on vous souhaite un très bon week-end à l'écoute des programmes de Radioactive et on se retrouve dès lundi pour un nouveau numéro.